c'est le moment d'accueillir les deux pervers de l'émission aussi. Non. Voici Dick le sadique et Robert le pervers, les gars. On appelle qui aujourd'hui? Parce que je rappelle que Dick le sadique et Robert le pervers, c'est toujours un moyen élégant dans la finesse de parler de sexe. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler une académie de billard. Ça veut voir le juruc de venir, les queues, les... Je vous laisse. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Dick et Robert à l'appareil. Bonjour monsieur, enchanté. Enchanté. Vous êtes bien une académie de billard? Vous avez gagné. Parce que bon, voilà, on voudrait venir jouer, hein. Donc, qu'est-ce que vous avez comme type de billard? Ce sont des billards français. C'est ceux où il y a trois boules, mais il n'y a pas de trous. Voilà. Ah, non, c'est pas cool ça. Et comment on fait alors? Vous fournissez des queues par contre ou pas? Quand un homme arrive sans queue, on peut lui en prêter une. Et même. On peut choisir la taille, monsieur? Non, mais tant qu'à faire. Bien sûr, tant qu'à faire. Ah, c'est bon ça. Bon, plus en carré, c'est plus elle est grande. Je me pose une petite question. À quoi ça sert de se mettre du bleu au bout de la queue? Du bleu au bout de la queue? Ouais. C'est pour qu'elle râpe un peu mieux, qu'elle fasse un peu plus d'effet. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. Ah, ça, c'est au niveau de la sensation, ça doit être meilleur. Bien sûr. Mais bon, le maniement sinon de la queue, c'est au niveau du poignet, quoi. C'est dans le. Tout est dans le poignet. Alors, il faut de la souplesse, Alors attendez, regardez ce que je vais faire. Tout est dans le va-et-vient, bien sûr. D'accord. Oh. Alors bon, attendez, on fait un test par téléphone là. Je prends ma queue là. Et j'essaye, là, il faut me dire si... Allez, je suis dans la bonne position, là. Comme ça, c'est bien, là. À mon avis, vous êtes pas assez penché vers l'avant. Là, alors, attendez, je vais penser à vos boules, là. Aïe, encourage-moi, toi, Robert, putain. Mais je suis avec toi. Aïe, boules. Vas-y, Dick. Il vaut mieux que ça se termine par le rétro, hein. Qu'est-ce que c'est que le rétro? C'est ce qui permet de revenir en arrière. C'est vrai. Ah non, je vais quand même pas me cracher dans la Vous-même, monsieur, vous utilisez beaucoup votre queue? Ah, en permanence. C'est vrai? C'est vrai? C'était une passion depuis que je suis petit. Oh, c'est vrai, vous tirez dessus. Est-ce que, en parlant de ça, des fois, la queue, elle est trop petite pour aller pour toucher les boules. Est-ce qu'on en a si combien? Elle grandit un peu. Quand même, si la queue est trop petite pour toucher les boules, c'est qu'il va falloir faire un procès à papa-maman, hein. Ils se sont pas appliqués. Hein. Là, ouais. C'est pareil, hein. La distance avec la queue et des boules... C'est logique, en même temps, c'est logique. Il y en a que j'ai déjà vu, il y en a qui se la mettent dans le dos. Mais comment c'est possible? Il suffit de tirer suffisamment, hein. Tiens, je l'avais dit, Robert. Vas-y, il doit se la passer par en dessous, je sais pas. Attends, je vais essayer de me la tirer. Vas-y, tire. Allez, tire, Robert, tire. Je manque de bleu, peut-être. Bon, alors, on déconne avec les queues, mais au niveau des boules. Est-ce qu'on a le droit de toucher les boules de l'autre, hein? Les boules de l'autre, c'est indispensable d'ailleurs si on veut prendre du plaisir, parce que le point ne se réalise que quand on touche les billets de l'autre. Ah, les vous me rassurez, monsieur, vous me rassurez. Et on peut la tripoter un petit peu là comme ça. Les boules de doigts. Ça dépend. Si vous êtes adroit. Effectivement, vous les tripotez sans les bousculer. Oui. Alors, vous appelez d'où, là? Vous pouvez me le dire un petit peu, quand même? Bah, on appelle de chez nous. Il y a de l'ambiance dans... Toujours avec Dick et Robert. Dick et Robert, c'est les deux plus doués de leur génération. Bon, je vous invite quand même à essayer d'affiner votre dextérité en la matière. Eh bah, y a pas de problème. On va s'entraîner, hein. On va venir. Tenez-vous surtout à bien... Ouais, je préfère ceux avec les trous, quand même, hein. Ouais, par contre, ouais, conserver une bonne distance, effectivement, toujours très proche des boules. Ouais, d'accord. Et puis, n'hésitez pas, mettez du bleu assez souvent, comme ça rapportera un peu plus. Merci du conseil, monsieur. Bon, on va lubrifier, hein. Merci, monsieur, hein. Allez, au revoir. Salut.